On apprend que boire du lait aussi, ça peut être bon. Et puis même, j'adresse la nouvelle à ma copine Caroline, qui a des fois des difficultés à dormir. Eh bien, on apprend que boire du lait de vache endormi aiderait à dormir. Eh bien oui, c'est parce que c'est un... En tout cas, vous allez voir. Du lait pour bien dormir, c'est une entreprise allemande qui a créé un produit qui pourrait bien aider tous les insomniaques ou victimes du jet lag. Ce dernier a été conçu à base de lait de vache riche en mélatonine, l'hormone finalement du sommeil. Ce lait bien spécifique, 25 fois plus riche en mélatonine qu'un lait normal, est obtenu grâce à une stimulation particulière des vaches. Celles-ci sont plongées dans une lumière rouge qui favorise leur sommeil et suivent un régime alimentaire spécial à base de luzerne. Pour obtenir ce lait spécial, on doit traire les vaches entre 2h et 4h du matin. L'hormone est ensuite extraite grâce à un procédé de congélation des cristaux et le produit a commencé à être commercialisé outre-Reims, donc sous forme de dosettes vendues 25 € les 16 doses finalement, de quoi garantir un sommeil plus reposant selon l'entreprise allemande. Mais bon, la mélatonine, on sait que ça fonctionne quand même. Moi, j'ai testé la mélatonine, qui est une hormone qu'on produit, hein, que chaque humain produit, et puis qui nous aide à garder un sommeil plus profond. Donc, c'est une très, très bonne idée. Et puis, on va rester dans le domaine animalier. Eh bien, cette fois-ci, ce n'est pas boire, mais c'est manger du steak de lion. Est-ce que ça vous intéresse? Le restaurant Boca Cacos y Tequila à Tucson aux États-Unis va bientôt proposer cette viande donc au royaume du T-Bone. Voilà qui est bien étrange de manger du lion. Remarquez que la restauration propose aussi des tacos de python, d'alligator, de wapiti, de kangourou, de serpent à sonnette ou de tortue, selon le journal. Un restaurant de Phoenix avait déjà servi des burgers de lion en juin dernier durant le mondial de football. Ce n'est donc pas une innovation, mais cela pourrait devenir une chose plus courante. Le patron du Bocas Tacos prend déjà les commandes pour les premières ventes prévues le 16 février. C'est quand même bien. Et le prix, $8.75, le taco ordinaire étant à $3. Le Food and Drug Administration, étonnamment, n'y voit pas de problème parce que le lion n'est pas en voie de disparition. Mais ça va pas tarder si on continue comme ça. Et puis vous, est-ce que ça vous tente de goûter un steak de lion? Répondez pas tous en même temps. On va y aller avec une dernière nouvelle pour en ce moment, là, car 11h15. Et puis je vois mon co-animateur qui vient d'arriver. On parle de Paul's Boutique. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nom d'album pour la plupart des gens. Un album des Beastie Boys, mais aussi c'est un lieu que les gens semblent connaître, car immortalisé sur la couverture du disque sorti en 89 par ces trois MC. Eh bien, bien souvent, bien sûr, cité dans les articles ou les lieux cultes de la musique, car associer justement une boutique comme ça à un groupe aussi grand que les Beastie Boys, eh bien, ça va de soi. Et puis, c'est ça. C'est un visuel qui fait partie de nos références populaires. Et puis, on a voulu réaliser une photo panoramique des rues du Lower East Side. Et puis, pour l'illustration, bien sûr, principale de cet album des Beastie Boys, qui est en train de se réaliser par Jeremy Chatan, auteur du cliché, et maintes fois interrogé à ce sujet. On se souvient de la séance de photos et des accessoires que les rappers avaient apportés avec eux, dont un panneau du nom Paul's Boutique. Pour ceux qui ne le savaient pas au moment de la prise de vue, Paul's Boutique n'existait pas ou plus, et surtout, c'est pas à cet endroit. Il s'agissait plutôt à l'origine d'un magasin de vêtements pour hommes situé à Brooklyn et non à Lower East Side de New York, dont le nom avait été inspiré pour prendre le titre de l'album des Beastie Boys et de recréer un décor de boutique pour hommes dans un quartier de la ville juste pour le temps d'une photo. En réalité, le commerce représenté ici à la fin des années 80 s'appelait le Lee Sportswear. L'enseigne est d'ailleurs encore visible. Depuis la publication de cet album, la propagation de sa pochette, l'emplacement du 99 Rivington Street est connu sous le nom de Paul's Boutique. Mais il y a eu plusieurs vies et occupants. Restauration rapide de 2003 à 2007, qui avait été baptisé en hommage de l'album avant de devenir le Spitzer Corner, puis le Three Monkey pour y manger des falafels. C'est ce dernier commerce qui a été touché la semaine dernière par un feu et les médias new-yorkais parlent d'un incendie assez important et rappellent la plupart de leurs brèves aux références du fameux disque des Beastie Boys. Pour voir l'évolution, l'emplacement de Paul's Boutique est devenu un lieu de visite dans une moindre mesure. Vous pouvez aller voir les photos des fans sur Flickr et aussi regarder la bonne vieille pochette des Beastie Boys. Ça peut être bon. Et puis, restons donc concept. Et puis, allons écouter une petite pièce des Beastie Boys. Et puis, tant qu'à être à Brooklyn, on va y aller. No sleep till Brooklyn!

Thing avec la pièce Change of Seasons de la trame sonore de Easy A. Wow, Steph! T'es très, très bonbon aujourd'hui. Je sais. Je trouve. Mais bon, c'est un genre. C'est un style. C'est un genre. Mais, non, mais j'aime bien cette pièce-là que tu as fait jouer. Je l'aime bien. Pour une pièce pop, mainstream et très, très accessible, comme tu disais, je l'aime bien. Bon. L'autre avant, je l'aime pas. Ben, je t'avais dit que t'allais pas aimer ça. C'est bien trop pop, fille, bonbon, gaga pour toi. Robin, ouais, bon. Bref, merci beaucoup Stéphanie. Très bon plat favori. J'aurais pas le temps de te faire mon dessert aujourd'hui, mais je vais le remettre à une prochaine fois. Je te le promets, c'est Guster avec la pièce Do You Love Me. C'est très, très bon. Ah, je connais pas. À la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. À très bientôt Stéphanie avec sa chronique, ton plat favori et Take Me Out tous les lundis. Merci Steph. À 8h30 dans Sondage Rock. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On a la Fox, réseau de télé, hein, la Fox, vous connaissez? Oui, oui. Donc, qui produit les Simpsons. Hein, rien de moins. Rien de moins, quand même, un respect déjà pour ça. Eh bien, qui ne veut pas que l'on déteste Barack Obama. La Fox a récemment pris décision de supprimer de son antenne une publicité se moquant ouvertement du président des États-Unis. C'est un intouchable, dit-on, peut-être. C'est en tout cas la question que l'on peut se poser, alors que la Fox vient de prendre la décision de censurer une publicité imaginée par... JesusHateObama.com. JesusHateObama.com. OK. Déjà, c'est un beau site. Ce site, au nom étrange, a réalisé un spot publicitaire où l'on voit deux figurines, l'une représentant Barack Obama et l'autre Jésus se tenir côte à côte. Tout à coup, l'icône religieuse foudroie du regard le président américain et le fait tomber dans un aquarium rempli d'eau. Pas de quoi s'offusquer en apparence, mais c'est suffisamment dérangeant pour la Fox qui a donc banni cette publicité de son antenne. Et puis, les principaux dirigeants du site Jésus déteste Obama n'ont pas tardé à réagir, déclarant que les produits que nous vendons ne sont pas moins ridicules que la politique du gouvernement. Ils ont également déploré ne pas avoir le droit de se moquer ouvertement du président américain dans le pays de la liberté d'expression. Alors, découvrez cette publicité censurée tantôt peut-être sur la page Facebook du Dîner de cons et à noter que ce spot publicitaire n'est pas le seul interdit par la Fox. En effet, celui d'un site de rencontre a également été censuré car jugé trop choquant. Mais dites-vous qu'on n'a même pas le droit de faire une joke de Mahomet sans peut-être risquer de se faire lapider. Alors, c'est pas la fin du monde là, de bannir une pub. De toute façon, là, on va s'entendre, la liberté d'expression de nos jours, elle s'amenuise plutôt que l'inverse. Oui, puis quand tu as un site qui s'appelle Jésus haï, déteste Obama, juste de détester quelqu'un publiquement maintenant, ça se fait plus. Exactement. Il faudrait aimer tout le monde parce que tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est intelligent, tout le monde a gentil, raison. Exactement. Exactement, sauf que pète pas de travers. Pète droite. Exactement. Pète droite. Voilà notre nouveau motto. Exactement. Imaginez la motte. Cette carte vous indique les catastrophes naturelles en temps réel. Cette carte, eh bien, vous ne la voyez pas encore, mais si vous vous rendez sur la page Facebook du Dîner de cons, dans quelques instants, elle sera là. Une carte du monde disponible sur Internet qui répertorie en direct les catastrophes climatiques. Donc, un nombre croissant d'observations nous donne une image globale d'une planète qui se réchauffe et qui subit divers changements climatiques. Rien ne se passe de façon inattendue. Tout a une indication. Nous avons juste à observer les connexions. Cette phrase est visible sur hisz.rsoe.hu. Hein, c'est compliqué. Loin d'être une initiative New Age, ce site Internet a été édité par ROSE, là, un service hongrois d'information sur les catastrophes et les désastres qui surviennent sur la planète. Sur la page du site qui est mise en ligne, donc une map monde qui retranscrit en direct les catastrophes les catastrophes climatiques dans le monde. Vous pourrez ainsi suivre en direct toutes les catastrophes et avec des données souvent très précises. Nature de la catastrophe, niveau des dégâts occasionnés, heure, localité. Et le but du site, en plus de rendre concret les problèmes environnementaux, est lié aux activités de l'homme et est bien entendu de réveiller les consciences. Je pense que c'est bon d'avoir un site du genre. Ben oui, pourquoi pas. Une initiative intéressante. Oui, une initiative hongroise. C'est rare qu'on parle de ces Hongrois. Hein. Ben oui, c'est hongrois, mais c'est quand même eux qui ont inventé la fameuse goulache. Oui, et le fameux salami hongrois. Ah ben oui, naturellement. Qui est tellement bon. Délicieux. Sur ce, peut-être une petite dernière à 11h35 ou bien on s'en va en musique. Ah, allez, ah ouais, une petite dernière, une petite vite. Bon, on nous dit allergie aux lunettes 3D, point d'interrogation. Trois solutions sont personnalisées. Donc, vous aussi, vous en avez marre des lunettes 3D. Parce que moi, j'en ai marre déjà. Je suis plus capable d'aller voir un film au cinéma avec des lunettes en face. Moi, que je sois bien franc, j'ai même pas été en voir un seul tellement ça m'énerve. Ben, puis en plus, c'est un frais caché. Ah oui, il y a des frais de location. Ben, faut que t'achètes les lunettes. OK. Okay? Et puis si t'amènes les tiennes de chez vous, ça les dérange pas, mais ils vont te faire payer pareil. Comment ça? Parce que c'est un frais caché, tout simplement. Et ils disent non, t'as pas le droit de ramener les tiennes. Et ça, c'est bravo pour la pollution. Bravo. Ben oui, hein. Parce qu'on va en produire des lunettes, on va en produire. Ah, j'étais pas au courant de ça, Danny. Puis le pire, c'est quoi? Ils vendent combien? Ben c'est genre 2 ou 3 piastres. Ben quand même, pour un morceau de carton avec des ben, cellophane. Ben là, sont en plastique, ceux-là. Ouh. Mais le pire, c'est que si t'es achètes, il y a une boîte qui t'invite à les laisser, à les donner, tu comprends? Donc, ils les revendent et les revendent et les revendent et les revendent. Et donc, tu peux avoir des lunettes de quelqu'un qui pue d'en face, tu comprends? Quelqu'un qui se lave pas, qui est gras qui est gras des tempes. Mais est-ce que t'as le droit de dire « Non, moi, le film, je veux l'écouter, pas de lunettes. » Ben, t'as le droit, mais ça va être une expérience pas très intéressante pour toi. Ouais, sauf que t'as caché tes lunettes dans tes poches. Oh! Hein? Mais je pense qu'ils vont te les faire charger pareil. C'est comme je te dis, je pense qu'ils mettent des films 3D exprès pour charger le frais caché des lunettes. Là. Bon, ben, vous me verrez pas. Va le tester. Ben, vous me verrez pas au cinéma d'ici un bon moment si c'est rendu comme ça, Danny. Eh bien, oui. De toute façon, regarde, je vais te le dire. Moi, chaque fois que je vais au cinéma, je m'endors à cause de la salle noire puis des divans puis tout. Je sais pas. Je m'en allais dire d'autres choses, ça se dit pas en nom, mais bon. Ah oui, ben OK. Mais parfois aussi, c'est à cause que les films sont plus ou moins intéressants. Ça, là. C'est sûr. Mais sinon, du reste, c'est que aussi, je trouve que c'est très cher. La nourriture que tu peux consommer là-bas est très assez... chère aussi. Très, très, très dispendieuse, mais aussi le choix est limité. À part le popcorn et la liqueur, il n'y a plus pas grand-chose. C'est interdit de consommer de l'alcool dans les cinémas ici au Canada, tandis que, mettons, en France, à Paris, il n'y a aucun problème. Fait que là, en écoutant mon film... Chez vous, tu peux te faire une bouffe, tu peux tout faire. Puis je peux boire une petite bière. Tandis que là, au cinéma, oh, non, pas d'alcool, hein, ça serait démoniaque. Puis en plus de tout ça, ben ça coûte cher, faut que tu te déplaces. Puis il faut que t'endures le monsieur à côté de toi qui est gros, qui pue, puis qui ronfle. Non, tu prends la moitié de ton accotoir parce que t'as pas un accotoir à chaque, c'est un accotoir à deux. Exactement, c'est même pas comme en avion, là, tu sais quoi. Fait que honnêtement, moi, en avion, il y avait tout le temps juste un accotoir pour deux, personnellement. Ah, ben, tu devrais prendre la classe affaires, Danny. Ouais, ben, c'est ça, mais je suis pas riche comme toi. Ouais, mais moi, je suis un homme d'affaires aussi. T'as juste à te lancer en business. En tout cas, on s'en parlera. Donc, vous trouvez que 3 euros, c'est trop cher? Oui, on vient de le dire. Pour un bout de plastoc qui fait mal au nez, donc une petite lingette à la citronnelle, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas regardant sur la chose, pourvu que ce soit gratos. Bref, vous êtes un radin. Voici pour vous la solution. Vous en avez marre de claquer ces 3 euros. Ressemblez à un skieur de fond d'avant-guerre si c'est trop cher et trop moche. Bref, vous êtes encore à la fois un radin, nous dit-on. Et puis, vous en avez marre de ces lunettes 3D, tout court, moche ou pas cher. Ce n'est pas le problème, non, pour les lunettes. C'est une véritable phobie. C'est un peu bizarre, mais voici la solution. Je ne sais pas, pour cette pub-là, elle fait quoi? Je comprends pas non plus. Ben moi non plus, l'article est vraiment moche, autant que les lunettes 3D. En tout cas, hein? C'est parce que les solutions, c'est des petites vidéos, comme un peu le gars qui nous faisait shaker des paupières. L'as-tu vu ça? Oui, je l'ai vu. Bon, c'était quand même discutable. Ordinaire, là. Oui. Donc, désolé pour cette nouvelle poche. Ben en fait, je pense que l'intérêt de la nouvelle d'Annie était d'aborder le sujet des lunettes 3D. Ce qu'on a fait avec brio. Exactement. Puis à la limite, bon, que l'argent circule là de la poche du consommateur jusque dans la poche du propriétaire du cinéma, ça peut toujours passer. Mais qu'on gaspille des ressources naturelles à produire sans cesse des nouvelles lunettes 3D, ça par exemple, je trouve ça moins acceptable. Alors, s'il vous plaît, une pensée pour notre belle planète, puis faites-nous au pire une espèce d'hologramme ou d'écran 3D là, qu'on n'a pas besoin de lunettes. Mais ça, ouais. C'est déjà en train de se faire. Ben, c'est là que je vais être vraiment impressionné, si tu veux mon avis. Tu sais, moi, tu le sais, hein, c'est tout ou rien. La Kinect, j'étais sceptique. Tu me l'as fait essayer, mais là, je suis conquis à 100%. Ça moi, marche. Un ou l'autre. Exactement. Ça fonctionne. Et une petite dernière. Les Russes veulent enterrer Lénine. Selon un sondage en ligne, 2/3 des 270 000 internautes ayant participé à l'enquête pour l'inhumation du fondateur du parti bolchevique et de l'Union soviétique. Ce sondage non officiel et non réalisé selon la méthode des quotas n'est pas innocent. Le site web goodbyelenine.ru sur lequel se déroule le vote a été créé par des membres de la Russie unie, le parti de Vladimir Poutine, relançant un

Bienvenue, Charles-André. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ton segment de cuisse? Oh, mon doux, Danny. Hey, merci pour la belle introduction. Wow, j'aime la... Et puis, il y a un fond comme ça qui va rester, si tu veux, durant... Oui, j'aime ça, la voix sensuelle et féminine. Je passerai des heures seulement à écouter ça. Mais bon, je devrais coucher ma voix dessus afin de vous entretenir des sujets des plus importants. Par exemple, le lundi, c'est ma magnifique chronique littérature. Et les grands oubliés de ma chronique littérature à date, qui sont-ils? Ben, je ne sais pas. Les enfants! Les enfants! Les enfants! J'ai pas amené encore de livres pour enfants. J'avais pas encore amené de littérature jeunesse. Et ça prend bien quelque chose pour nos mioches. Alors, j'ai amené aujourd'hui un livre qui m'avait été offert lorsque j'étais moi-même jeune garçon et qui m'avait, entre autres, donné le goût de la lecture. Je vous parle aujourd'hui du Lutin du téléphone. Le livre s'intitule « Le Lutin du téléphone ». Et c'est un livre vraiment fascinant. En fait, j'irais même jusqu'à dire que ça ne s'adresse pas seulement qu'aux enfants. Tout le monde va prendre plaisir à lire ce livre-là. C'est un récit. On pourrait pas dire tout le monde va prendre son pied à lire ça, mais bon. Non, c'est pas de la littérature érotique, hein. Non. Loin de là, c'est de la littérature pour enfants. En fait, c'est Héritage Jeunesse, collection Libellule. C'est paru pour la première fois en 1989. Moi, j'ai ici entre les mains en ce moment la réédition de 1993, qui est un petit peu plus format de poche. Là, on a perdu quelques centimètres, mais on a quelques pages en plus, là. Oh! Donc, j'ai fait quelques recherches par rapport aux auteurs de ce livre-là sur Internet. Ce sont des Québécois d'origine bretonne. Ils ont été quand même assez difficiles à retracer. On parle d'abord de M. Daniel Mativa. Né le 7 janvier 1944 à Paris, Daniel Mativa a suivi des études à l'École normale et à la Sorbonne à Paris avant d'obtenir une maîtrise en art à l'Université du Québec à Montréal et donc un doctorat en lettres ensuite à l'Université de Sherbrooke. Enseignant le français au secondaire depuis 1967, il a écrit de nombreux romans, dont certains sont écrits conjointement avec son épouse Marie-André Boucher-Mativa. Et donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver aussi des informations sur elle, mais heureusement, j'en ai trouvé. La Madame Boucher-Mativa, oui. Marie-André de son prénom, semble être vraiment spécialisée dans la littérature jeunesse, tandis que Daniel Mativa, lui, semble être plutôt, en général, un auteur là, un peu plus classique. Là. Il donne un peu dans tous les styles. Et donc, elle est née, ou semble-t-il, résidente de Saint-Stanislas. Au Québec, bien sûr. Au Québec, bien sûr. Et elle est née le 10 mai 1945. C'est une romancière. Et elle a eu son brevet de l'École normale du Christ-Roi à Trois-Rivières. Donc, elle a étudié ici à Trois-Rivières. Et donc, de 1965 à 1968, elle donne de nombreux spectacles dans les boîtes à chansons au Québec. Elle travaille ensuite dans le milieu de l'éducation au Québec et en France auprès des tout-petits et des mésadaptés socio-affectifs. Ah, faudrait qu'elle vienne nous aider. Ah oui, hein? Elle aurait sa place ici au dîner de cons. Et donc, depuis 1983, parfois seule, parfois avec son mari Daniel Mativa, elle écrit des histoires qui s'adressent aux jeunes de 7 à 14 ans. Et donc, en 1992, Marie-André Boucher-Mativa a reçu le prix Monique Corriveau pour « Drôle de moineau ». Elle est membre de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois. Et bon, elle a quand même une belle liste d'œuvres. On voit une liste d'œuvres. Tu commences à m'imiter, là. Tu mets des R ou ce qu'il en faut pas. Oui, exactement. Une listre. Listre. Et donc, elle semble vraiment spécialisée dans la littérature jeunesse. Et je crois qu'elle fait bien parce qu'il y a un public pour ça et elle le fait avec brio. Sinon, j'avais trouvé d'autres petites informations sur notre ami Daniel Mativa qui a conjointement écrit avec elle et qui est, semble-t-il, son époux. C'est un professeur de français à la retraite et il vit au Québec depuis 30 ans. Cependant, il n'a pas oublié ses origines. Breton par sa mère, il se vante d'être l'arrière-petit-fils d'un authentique conteur de village du Finistère nommé Yves Trelu. De là, sans doute, son goût pour le fantastique et le folklore qui l'a poussé à faire un doctorat dans ce domaine, tout en lui inspirant plusieurs de ses livres parmi les plus réussis. Daniel Mativa est aussi reconnu pour ses formidables romans historiques, dont certains sont devenus de véritables classiques, étudiés dans un grand nombre d'écoles secondaires du Canada. Le monsieur réside à Laval, donc c'est un Québécois d'origine partiellement bretonne. Et là, aujourd'hui, comme je vous ai parlé précédemment, on va traiter du livre Le lutin du téléphone, qui est un petit conte là comme ça, assez agréable, merci. En fait, Virma Bull, qui est le protagoniste de cette histoire, qui se trouve être notre fameux lutin du téléphone, est un maître en farce et attrape, doublé d'un génie des mathématiques, une véritable célébrité chez les lutins. Dans son logis, au creux d'un sapin, il mène une existence agréable jusqu'au jour où le progrès vient tout bouleverser. Et là, donc, je vais vous lire un petit extrait du livre qui va vous montrer un peu l'atmosphère du récit et qui va en même temps, j'espère, vous convaincre des bienfaits de ce merveilleux conte pour jeunes et moins jeunes. Et donc, toi qui es si malin, peux-tu me dire quel est le plus gros chiffre du monde? Virma Bull l'ignorait. Aussi, depuis ce jour fatidique, installé devant son boulier compteur, énumère-t-il inlassablement les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, les millions, les milliards, les billions, les trillions. Cependant, aujourd'hui, il a décidé de s'accorder une petite pause. D'ailleurs, comment faire autrement? Durant toutes ces années, sa barbe a tant poussé qu'elle fait maintenant 7 fois le tour de son tabouret et commence à le gêner sérieusement. Il faut que je me fasse tailler ma barbe et couper mes cheveux. Je dois aller chez le barbier, bougonne-t-il. Virma Bull n'a pas mis le nez dehors depuis une éternité et il est impatient de revoir sa forêt. Il se réjouit d'avance à la pensée de rencontrer à nouveau les fées qui viennent toujours laver leurs longues chevelures dans l'eau claire des sources. S'il tend l'oreille, il pourra même percevoir les ronflements des dragons endormis au fond des grottes. Sa barbe soigneusement enroulée autour du cou, il jette un coup d'œil à l'extérieur. Imaginez sa surprise en découvrant une rue bruyante grouillant à ses pieds. Tout est chamboulé. Oh! Et voilà, donc, on voit un peu l'histoire qui se trame avec notre lutin du téléphone qui voit sa résidence, son sapin, transformé en poteau de téléphone. Et là, c'est une véritable guerre qui s'amorce entre lui et la compagnie de téléphone. Une guerre dont je ne vous livrerai pas l'issue afin de vous laisser le punch intact. Merci. Et donc, une dernière chose, parce que on voit que sur la pochette du livre, l'illustration est quand même assez jolie. Très jolie, oui. Assez intéressante. Et donc, malgré son jeune âge, Jean-Marc Saint-Denis exploite déjà des talents multiples. Il exerce des dons d'illustrateur pour des revues, des manuels scolaires, des BD et des livres pour enfants. En plus, il joue de plusieurs instruments à cordes et compose de la musique. Son premier disque sortira bientôt. Il prépare également un roman d'action dont il fera aussi les illustrations. Tout ça à 20 ans seulement. Et là, on parle de, en 1989. Il est rendu à 40 maintenant. Exactement. Donc, on voit le temps qui passe comme ça. Ça nous rend un peu nostalgique. J'espère que son album a bien marché. Oui, j'espère que déjà son... oublié. Exactement, mais c'est comme ça la vie. Hein. Et donc, de quoi nous rendre nostalgique ce midi au Dîner de con? Mais on n'est pas là pour être nostalgique, on est là pour être joyeux et on est même là pour être con. On va donc s'envoyer une petite pièce de Deep Purple parce que, bon, on le sait, on est rendu à la lettre D dans la chronique du rock chronologique, écologique rock et alphabétique. Quelle plage? La deuxième plage, mon beau Danny. Et je vous livre immédiatement le titre. Il s'agit de Speed King. Profitez-en, cher étudiant. Vous êtes dans le Dîner de cons jusqu'à 13h. So I hit a moment in a soft hearted man. Formation Deep Purple avec la pièce Speed King tirée de leur album In Rock, un album très très important dans l'histoire de la musique rock. Mais tout d'abord, Speed King, qui est une chanson donc de ce groupe britannique de hard rock, est parue en 1970 sur l'album In Rock. On pourrait penser que c'est un cover, étant donné que plusieurs des paroles de la chanson ont été empruntées de grands classiques populaires tels Good Golly Miss Molly, Tutti Frutti and the Battle of New Orleans. Mais non, en fait, c'est une chanson 100% originale qui démontre bien les capacités de Deep Purple au niveau de l'improvisation et de la créativité en studio. Et sinon, bon, pour traiter de l'album In Rock plus spécifiquement, il faut savoir que c'est le quatrième album du groupe. Il est sorti donc, comme je le disais, en 1970. Et cet album est le premier enregistré par la formation la plus connue du groupe, c'est-à-dire la formation Mark II. On définit les formations, les différents line-up de Deep Purple et comme Mark 1, Mark 2, 3, 4, 5. Et enfin, ça nous permet de savoir qui était présent à dans quelle époque. Exactement. Qui était là à quelle époque. À quelle époque on se réfère. Et donc là, on se réfère à la deuxième formation, Mark 2, avec Ian Gillan au chant et Roger Glover à la basse. Ça pose les bases d'un nouveau genre musical que les critiques de l'époque appelleront hard rock ou heavy metal traditionnel. Il contient plusieurs

adore découvrir ces petites vidéos. Qu'est-ce que la LFL? Donc, et puis, je vais essayer de mettre aussi le film qui a été fait pour Playboy. Donc, ça doit être assez intéressant. Ah, c'est ravissant. Je suis en train d'observer les images en ce moment. Je pense qu'on là, va perdre Charles-André. Hey, Danny, j'en reviens pas qu'il y ait un sport comme celui-là. Pourquoi est-ce que je t'ai pas informé de ben, ça? Ben, gars, ça fait seulement qu'un an que ça existe. Fait qu'au moins, t'es pas le dernier à l'apprendre. Mais je suis sûr que les filles, ils jouent rough en plus. T'sais, ils ont l'air. Oui, j'ai vu à la télé, j'ai vu quelques bouts et des vraies passes. Pas seulement un genre de vidéo promotionnelle, mais un vrai jeu. Et puis, non, ils ont quand même du calibre, les filles. Ils sont vraiment en forme et puis ça brasse. Oui, exactement. Et ils ont beaucoup moins de protection que les joueurs. Ben oui, ils sont presque tout nus. Exactement. Donc, je pense c'est, que... C'est bien mieux que le football américain. C'est bien mieux que le football américain. Premièrement, ce sont des demoiselles. Je m'en allais lâcher une joke de mauvais goût. On pourrait... Au lieu du Super Bowl, regardez donc les Super Bowls! Oh là là, Danny, elle était un peu facile. Elle était un peu facile, mais c'est comme ça le dîner de con. Mais c'est vrai! Ben oui, regarde, hein. On va rester dans le monde du coquin. On vous propose de passer au Kama Sutra Lap. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous êtes célibataire depuis peu, vous avez déjà écumé tous les recours possibles pour tromper l'ennui devant votre écran d'ordinateur. Site de rencontre, site coquin, site de réseaux sociaux, téléchargement de films un peu orthodoxes, etc. Vous êtes finalement rendu compte que tout ce qu'il reste dans votre vie sentimentale, c'est votre ordinateur et vous. Vous pouvez désormais vous réjouir car il existe désormais le Kama Sutra Lap, comme laptop, tu comprends? Oui. Inspiré, bien sûr, du recueil indien et le Kama Sutra, ce dessin vous propose de témoigner et de partager tout l'amour que vous portez à votre machine à travers toute une série de positions plus ou moins évocatrices, debout, allongé, à genoux, devant ou derrière. Vous trouvez tout ce qu'il vous faut pour arriver et aimer votre ordinateur portable. Ben oui, magnifique. Ah ben, on va mettre les images sur la page Facebook du Dîner de con dans quelques minutes. Voilà qui va être plutôt utile pour les gens qui sont à la fois geeks et romantiques. Tout à fait. On va aller regarder une petite histoire un peu spéciale qui se passe cette fois-ci en France vers 2h du matin, dans la nuit de samedi. Sur le parking d'une discothèque, un homme gifle une femme qui a l'air un peu ivre et la force à monter dans le coffre de sa voiture. Des témoins préviennent alors le commissariat de police. Les policiers ne reconnaissent pas la plaque d'immatriculation du véhicule, mais parviennent à retrouver le véhicule vers 7h du matin. Une voiture qui pourrait bien être celle qu'on recherche est repérée dans le quartier Malsbach. Donc, toujours d'après le journal. Son propriétaire est identifié, on le réveille et on lui demande de raconter ce qu'il a fait pendant toute la nuit. Il reconnaît qu'il était bien dans une discothèque et qu'il a déposé la femme chez elle après l'avoir transportée dans le coffre de sa voiture. Les policiers retrouvent donc cette femme un peu plus tard et l'interrogent. Mais comme elle a un peu trop bu, elle ne se souvient plus de rien. Selon son ami, c'est parce qu'elle était ivre qu'il l'a mise dans le coffre. Elle ne voulait pas salir tout le temps. Donc, le couple, assez jeune, l'une 21, l'autre 25, est ressorti du commissariat libre en fin de matinée. Petite histoire. Ah, ben oui, au moins ça se termine bien. Exactement. Hey, Danny, j'ai sous les yeux quelques prénoms qui n'ont pas de bon sens, qu'il y a des parents qui ont essayé de donner à leurs enfants. Ah, vas-y. Comme ça, là. Bon, premièrement, quelques marques de voitures ou de vêtements comme Mégane Renault, Alice ou Zara. Mais le plus choquant, je trouve, c'est Talula does the hula from Hawaii. Tu veux appeler ton enfant, là, ta petite fille, là, pas juste Talula. Tu veux l'appeler Talula does the hula from Hawaii. C'est elle. Excellent. Sinon, il y a anus, couille, vagina et autres qui ont été... Mais comment faut être assez épais pour appeler son enfant couille ou anus? Au Danemark, c'est le prénom anus qui remporte la palme du prénom refusé le plus insolite. Mais il n'est pas isolé. Sur le site de signification de prénom Asia Flash, Nguyen vous apprend ainsi que couille a de la classe. Ses traits sont fins et réguliers, mais aussi qu'elle... C'est un prénom féminin, couille, en fait. Serait une hostile couille au féminisme et que les hommes politiques aimeraient l'épouser pour l'avoir à leur côté quand ils se montrent en public. Au rayon original, on trouve aussi Moravagine. En Belgique, des parents voulant appeler leurs jumelles vagina et clitorine ont vu leur demande refusée, malheureusement pour eux. Mais clitorine, je trouve pas ça si laid. Ouais. Mais vagina, ça fait vaginite pas mal. Ouais, mais clitorine, ça fait pas mal clitoris et listerine mélangés ensemble. J'avais compris, mais ça fait quand même un nom un peu féminin. C'est mieux que couille ou anus, je trouve. Oui, ah oui, quand même. Puis j'imagine la personne qui vient d'ouvrir sa radio puis je dis, c'est mieux que couille et anus, je trouve. T'sais, c'est là-dessus qui tombe. Là. Bon, ben pour ceux qui viendraient de se joindre à nous, vous êtes dans le dîner de cons. Il est présentement 12h39. Et bon, Anne Hathaway sera Catwoman dans le nouveau Batman. OK. Et sinon, il va y avoir un nouveau signe astrologique. En fait, tous les signes astrologiques sont bouleversés. T'es-tu prêt? Vas-y. Parce que là, on commence la chronique astrologie. À partir de demain, on va avoir une chronique astrologie dans le Dîner de cons. C'est une grande primeur. On vous annonce une des premières émissions d'astrologie, d'horoscope, finalement, oui. Sur les ondes du 89.1. Et on a quand même trouvé un devin. Un con en chef, là. Oui, mais j'aimerais ça trouver le vrai terme, là. Celui qui s'occupe de la divination. C'est un pas un devin, mais c'est un... Un chaman? Je ne sais pas. Enfin, bon, peu importe le terme. Un astrologue? Un horoscopien? Enfin, on s'est trouvé un charlatan, voilà. Exactement. Un charlatan en chef qui va venir nous présenter ça avec brio. Mais bon, on lui prépare la place. C'est Monsieur Rémy. Monsieur Rémy, notre éminent Monsieur Rémy Minou qui va nous présenter ça. Mais justement, je lui réchauffe le siège en parlant comme ça dès aujourd'hui. À la suite d'une annonce de l'organisation du Minnesota Planétarium, ils ont proposé une nouvelle répartition des signes du zodiaque et les dates qui leur sont associées, sans oublier le nouveau et 13e signe. Alors, j'espère que M. Francoeur Minou va tenir compte de ça. Donc, Capricorne du 20 janvier au 16 février, Verseau du 16 février au 11 mars. Je serais plus Capricorne. Non, on change tout de signe, là, Danny. Ça marche pas, ça. Moi, j'étais Balance, je suis rendu Vierge. Attends, écoute bien, là, c'est le planétarium du Minnesota qui a recalculé ça. En fait, pour être bien honnête, c'est qu'un 13e signe du Zodiac viendrait faire son apparition car... Il y a une controverse qui a été soulevée, notamment en 2007, qui stipule qu'il y a des millénaires, les Babyloniens ont calculé ce système de divination-là, oui, en fonction des astres à ce moment-là. Sauf que une interaction gravitationnelle des astres aurait entraîné un mois de décalage dans l'alignement des étoiles depuis. Ah, maudit. Alors, en fait, c'est pour ça là, qu'on a tout changé les dates. Et donc, bon, si vous voulez savoir c'est quoi votre nouveau signe pour être in, Capricorne, c'est du 20 janvier au 16 février, Verseau du 16 février au 11 mars, Poisson du 11 mars au 18 avril, Bélier du 18 avril au 13 mai, Taureau du 13 mai au 21 juin, Gémeaux du 21 juin au 20 juillet, Cancer du 20 juillet au 10 août, Lion du 10 août au 16 septembre, Vierge du 16 septembre au 30 octobre, Balance du 30 octobre au 23 novembre, Scorpion 23 novembre au 29 novembre, Serpentaire, notre nouveau signe, notre 13e signe, du 29 novembre au 17 décembre, et il y aurait ensuite Sagittaire du 17 décembre au 20 janvier. Donc j'espère que... T'es rendu Sagittaire? Bon. J'ai failli être Serpentaire. Ah oui? Ben oui, parce que là, j'étais là, c'est bizarre, on l'a inséré juste avant moi, là. Oui, exactement. Donc t'as failli être Serpentaire, mais t'es Sagittaire, j'étais Balance, je suis devenu Vierge. Donc, c'est... Je suis complètement reviré. Je pense que l'émission va se finir, là. Ah ben, moi, tu vois, je suis comblé d'avoir retrouvé ma virginité. Virginité perdue. Et donc, voilà, j'espère que M. Francoeur Minou Rémy va tenir compte de ces nouvelles informations que j'ai amenées. Elles sont toutes chaudes, elles sont là sur la table devant vous. Moi, je vous dirais, envoie-lui, peut-être, il pourra se mettre à jour. Et puis, maintenant, on va rester dans le monde de la controverse. Oui! Parce que on apprend que le kilo ne pèse plus un kilo. Ah non! Et puis on nous dit que c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. En effet, c'est en 1889 que l'unité de base, qu'est le kilogramme, a été déterminée. Pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous allez savoir, il s'agit d'un cylindre de 39,17 mm de diamètre et de 39,17 mm de haut, composé pour 90% de platine et de 10% d'iridium. Il a été fabriqué à Londres en 1879 et conservé depuis longtemps sous une cloche de verre au Bureau international des poids et mesures à Sèvres, près de Paris. Donc, on l'a tous appris en même temps. On nous dit qu'on est supposé avoir appris ça au primaire, pas au Québec. Alors, un kilo, c'est un kilo, oui, mais voilà que pour les scientifiques, le kilogramme aurait perdu du poids. L'équivalent d'un grain de sable de 0,4 mm de diamètre en l'espace de 100 ans, précise le journal Le Figaro. Alors, comment retrouver notre kilo et lui donner une valeur stable et universelle? Il a été, par exemple, défini donc le mètre en fonction de la vitesse de la lumière. Alors, le kilo, c'est la grande question que se posent les scientifiques de la vénérable Royal Society de Londres. Certains suggèrent d'utiliser la constante de Planck en se basant sur la physique quantique.

Pire, l'odeur de la blessure qui se dégage des substances attire les autres mouches Lucilie qui pondent au même endroit. Alors, la victime est rongée de l'intérieur et décède généralement une quinzaine de jours après la première ponte invasive. C'est de l'horreur, ça? Et moi, oui. Je pense que j'avalerais un galon de Windex pour me nettoyer ça. On serait tenté de se dire que pour se protéger, rien de plus simple, éviter les blessures ou les protéger. Malheureusement, la Lucilie bouchère peut entrer via les orifices naturels. Sexe, rectum, narine, bouche, oreille ou encore dans les yeux. Dans ce dernier cas, les larves dévorent l'intérieur du crâne. C'est horrible. C'est atroce, hein? Originaire du continent américain, en plus. Ce fléau a débarqué au début des années 90 en Afrique et plus exactement en Libye. En quelques mois, il colonisait un espace de 20 000 km² et tua 2 millions de bêtes sur un cheptel global de 6 millions de têtes. C'est énorme. On estimait alors qu'en moins de 2 ans, toute forme animale serait détruite dans le pays et que la mouche commencerait à se répandre sur tout le continent. Bien sûr, ces chiffres ne prennent pas en compte les cadavres humains qui furent découverts partout où la mouche était présente. Aïe, aïe. À l'époque, seuls les États-Unis détenaient la technique pour éradiquer le fléau, technique du mâle stérile, mais les relations avec la Libye étaient gravement entachées par les actes de terrorisme qui venaient donc d'avoir lieu par la tension dans le Golfe. Il fallut de nombreuses pressions internationales et la peur de voir la planète mise en danger par ce monstre pour qu'un programme de lutte soit lancé avec succès. De nos jours, la Lucilie bouchère est toujours présente. Elle a perdu une bataille, mais reste une menace pour l'humanité. Cependant, elle n'est pas la seule. Tapis quelque part dans la jungle tropicale, sommeille d'autres espèces qui se révéleront certainement un jour une menace pour nous, l'humanité. Et vous, pensez-vous que l'homme est menacé par ces espèces inconnues? En fait, probablement. Probablement qu'ils le sont, mais on va pas commencer à paniquer seulement pour... Pour paniquer, exactement. Tant qu'on ne connaît pas les espèces qui sont mises en cause, qui nous menacent, vaut mieux pas grimper dans les rideaux. Sinon, par rapport à cette mouche-là en tant que telle, là, tu dis que ça vient des États-Unis. Les États-Unis ont une mauvaise relation avec la Libye. Pis là, les mouches débarquent en Libye. Hein? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Je veux pas crier au conspirationnisme, là, mais... Il y en a. On dirait, en tout cas. Ben, je veux dire, quand on sait que la réalité dépasse la fiction, là, d'après moi, s'ils pourraient toutes les transformer en zombies, c'est ça qu'ils auraient fait. Mais là, le virus T, là, ça existe ça pas. Ça paraît bien. C'est juste dans Resident Evil. Fait que là, ils ont envoyé des mouches. Exactement. C'est une forme de guerre. C'est pas de la guerre bactériologique. C'est pas de la guerre chimique. C'est une nouvelle forme de guerre. C'est de la guerre biologique. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que c'est... il y en a qui pourraient dire, là, qui sont fans de technologie militaire. Ah, c'est la nouvelle percée en matière d'armement. Oui, c'est la nouvelle percée en matière de merde. C'est la nouvelle percée en matière de déchéance, en matière de tristesse. D'inhumanité. Exactement. Et donc, les États-Unis, d'après moi, sont responsables, du moins en partie, là, de ces événements-là. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les bébites dans le fond de la jungle qu'on connaît pas. C'est justement peut-être les autres êtres humains mal intentionnés qui m'inquiètent beaucoup plus. C'est bien dit, Charles-André, c'est bien dit. Ah ben voilà, c'était mon psaume d'aujourd'hui. Merci, Charles-André. Midi 54, notre psaume, nous, se termine bientôt. Tantôt, je vous avais allumé avec un titre qui était un peu spécial, un piège à enfant qui est infaillible. Ouh. Eh bien, je vais vous dire quelques détails là-dessus. C'est pour attraper son enfant, un père a revisité le conte du petit pousset, en appâtant son enfant avec des sucreries. Ah ben hein? Oui. Si vous êtes fatigué de courir toute la journée après vos enfants agités, ce piège façon conte du petit pousset est fait pour vous. Dans une vidéo amateur, le père d'une petite fille a dévoilé son fonctionnement. Pour cela, il faut simplement être en possession d'un panier à linge et de quelques bonbons, de préférence les préférés du jeune enfant. On y voit donc le père amusé par le fait que son piège se révèle d'une totale réussite. À chaque bonbon découvert, il encourage sa fille à continuer en disant « Oh, un bonbon! » Et pour économiser les sucreries, il a bien pris soin de les espacer d'environ 1 mètre. Ils sont donc assez éloignés pour que l'enfant y arrive rapidement. Au bout de ce périple, eh bien, c'est évidemment le panier à linge qui s'abat sur l'enfant, le punissant de tant de gourmandise. Aïe, aïe, aïe, aïe. C'est coquin, c'est juste drôle, là. Ben oui, c'est amusant, hein? On parlait pas d'un piège à ours. Ben non, et non de technique malhonnête d'un pédophile. Non, ça aurait été l'horreur. On n'aurait pas parlé de ça au Dîner de con. On sait qu'ici, au Dîner de con, nous sommes les preux chevaliers de la société, toujours prêts à défendre la veuve et l'orphelin. On essaie, en tout cas. Oui. Sinon, on rit de la veuve et de l'orphelin. Ouais, ou sinon. On rit des cons, c'est ça qui fait que c'est le dîner de cons. Les cons, c'est bon, oui, c'est nous autres les cons en chef, mais je veux dire, cette planète est peuplée de cons. Hein. On a juste à prendre, par exemple, Marie-Yves Lévesque ou Jean Charest ou Stephen Harper. Les trois ensemble forment le triumvirat qui nous gouverne, nous, maigres trifluviens, pêcheurs à genoux.

On s'en va en Australie. Un homme trouve 50 000 $ et les rend à la police. Maudit cave. Maudit cave, niaiseux. Ben, c'est ce que je pense. Ben, en tout cas, moi, je les ai regardés. Moi, je fermerais ma gueule, je le mettrais dans mes poches. Donc, c'est vendredi dernier en Australie qu'un homme a trouvé 50 000 $ sur la banquette d'un train à côté de lui. Ah, il a trouvé ça comme ça dans le train. Ben oui, il s'appelle Ghazi Hadra, est aujourd'hui le plus honnête Australien de son pays, en tout cas le plus honnête connu, hein, parce que sinon il y en a sûrement qui sont plus, mais qui peuvent pas le prouver. Ou du moins autant. Autant. Donc le Daily Telegraph, ou le plus cave, je dirais. Ben. Mais tu sais, être gentil, c'est un peu cave des fois dans le monde. Cruel, où l'on vit. Ben, je dirais que la marge entre les deux peut être floue. Ouais, tout à fait, un peu comme le génie et la folie. Le Daily Telegraph a rapporté l'histoire de cet ouvrier qui a trouvé 50 000 $ en liquide dans une mallette avant de les donner à la police, rien de moins. Qui était présent à la gare de Sydney. Il a trouvé ce butin, donc, vendredi dernier sur la banquette du train. Il nous explique que cet argent aurait changé sa vie, mais ce n'était pas le sien. Ah. A-t-il expliqué dans la presse locale? Donc, si cette somme m'avait été destinée, dit-il, elle serait venue à moi dans le droit chemin. Une vague de sympathie pour cet homme a donc envahi les colonnes du Daily Telegraph, dans lesquelles les lecteurs envoient leurs propres anecdotes. L'argent appartenait à Maria Shee, donc, qui a d'ailleurs refusé de donner quelque forme de récompense. Pour vrai? Ou même un simple merci. Elle a même pas dit merci. Non. Salope! Ben oui! Quand le journal australien s'est rendu chez elle pour la voir, elle a déclaré « Je n'ai rien à faire de lui, ce sont mes affaires, mon argent. » C'est une conne. C'est une salope. Elle s'est finalement ravisée après le passage de l'émission de télévision pour finalement exprimer sa gratitude au bon samaritain. Elle est obligée d'être devant les caméras. Connasse, mais hallucinante, hey! Elle mériterait de se faire dérober tout ce qu'elle se possède. Elle mérite la mort aussi. Elle mériterait pour vrai d'être dépossédée de tout ce qu'elle a pour une attitude aussi hautaine. Hey, me semble que je remercierais la vie et je dirais waouh, waouh, waouh. Ah ouais, exactement, je serais éternellement reconnaissant. Elle mérite une bonne claque sur la gueule. Ça gueule. On a un boulot à vous proposer, chers auditeurs, peut-être vous, chers étudiants, qui sommes donc sur le party depuis quand même un bout ce matin et depuis peut-être quelques jours même, parce que j'en ai vu tantôt. J'ai vu des filles rentrer dans le couloir et « Hey, je suis encore saoul! » J'ai entendu ça. Eh bien oui, y a pas que nous, messieurs, qui se la dévisse, disons. Surtout durant un carnaval. Donc, on y va avec cette proposition d'emploi d'une compagnie alimentaire, hein, qui a mis en ligne qui propose justement de goûter des pizzas pour 980 euros par mois. Ça peut être intéressant, ça. C'est l'Artisan Food qui propose cet emploi et qui pourrait concourir comme un des plus beaux métiers du monde. Par contre, c'est pas si payé que ça, là, gars. C'est même pas 1000 euros par mois. Fait qu'il faut quand même, c'est quand même bien, mais c'est pas le Pérou, disons. Ils sont installés à Courcelles, en Belgique, et qui sont à la recherche de goûteurs pour un concours de pizza, le Pizza Party Voting. Donc, cette compagnie a ainsi mis une annonce sur son site Internet et qui vous propose de goûter des pizzas pour 980 euros par mois. Pour y participer, ben c'est facile. Vous n'aurez qu'à réunir entre 8 et 12 amis ou personnes. Peut-être que c'est pas vos amis, mais bon, moi, je vous le conseille. Ça peut être plus intéressant avec des amis. Et de manger les pizzas et faire plein de photos, vous amuser, batifoler et tout ça, et que vous aurez prise, bien sûr, durant cette superbe soirée pizza. Ces images seront ensuite réutilisées par la marque pour illustrer ses promotions et autres campagnes de publicité. L'offre est disponible via leur site Internet depuis une dizaine de jours et sera retirée le 18 février prochain. Donc, l'Artisan Food, si vous voulez chercher ça sur Google, ou je tenterai de mettre le lien tantôt, on verra. Maintenant, on apprend que Lady Gaga, qui fait parler d'elle encore et encore, on le sait, elle est connue pour ses excentricités. Et puis la dernière en date, nous proposer un parfum, des parfums. Hein? Plusieurs vedettes font ça. Mais elle, ce qu'elle veut nous offrir, je le dis pas tout de suite. Je le dis pas, vous allez voir la saveur de son parfum qu'elle veut nous offrir. Donc, cheveux gris, cheveux roses ou jaunes, robe faite de viande crue, canette de soda en guise de bigoudi. Lady Gaga ne vient définitivement pas de la même planète que tous, que nous peut-être. Folle pour certains, originale pour les autres, une chose est sûre, la chanteuse ne laisse jamais de glace et indifférente. Elle adore surprendre son public et puis sa dernière excentricité en date, eh bien un parfum. Premier abord, ça semble bien correct. Hein? C'est normal. Sortir un parfum maintenant, de nos jours, ça fait même mal paiement à sortir un parfum. Fait qu'imagine. Mais attention, pas n'importe quel parfum, sucré ou doux à odeur de fraise, comme nous proposent toutes les divas. Lady Gaga a récemment dévoilé que pour la fragrance qui portera son nom, elle était à ce moment à la recherche des odeurs. Eh bien, attachez vos ceintures, attachez vos oreilles, attachez vos yeux. Eh bien, odeur de sang et de sperme pour le prochain parfum de Lady Gaga. L'information a été dévoilée par les médias américains. Donc, le parfum de Lady Gaga devrait s'intituler Monster. Il sortira en 2012. Et puis, ben, c'est ça. Il sera à odeur de sang et de sperme. Bravo, Lady Gaga. Toujours encore en train de nous surprendre. Et d'autres qui nous surprennent ici, eh bien, ce sont... Les Mexicains qui nous proposent une catapulte à cannabis découverte, bien sûr, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Bien sûr, afin de faire passer leur marijuana aux États-Unis, ces trafiquants mexicains s'en sont remis à une méthode inspirée du Moyen-Âge. C'est une très bonne idée. Dans la guerre qui oppose, bien sûr, la police aux trafiquants de drogue, ces derniers ont souvent un temps d'avance, rivalisant d'ingéniosité. Ils mettent au point des stratagèmes dignes des rapetous pour arriver à leur fin. Face à la clôture qui sépare les États-Unis et le Mexique, les trafiquants mexicains se sont inspirés des méthodes du Moyen-Âge. En effet, une caméra de surveillance a filmé les hommes sur le territoire mexicain en train de charger des paquets sur une catapulte pour les envoyer de l'autre côté de la frontière. Alertée, la police est arrivée trop tard pour les neutraliser, mais a quand même réussi à retrouver la catapulte, un 4x4 ainsi que des paquets qui n'avaient pas encore été lancés, soit 20 kilos de cannabis. Bonne idée. Très ingénieux, cette catapulte à cannabis. On se rappelle qu'il y a quelques jours, eh bien, il y avait eu un pigeon qui servait pour transporter de la drogue. Eh bien là, c'est la catapulte. On va y aller avec une nouvelle côté technologique. Eh bien, on apprend officiellement que Google déteste Facebook et le fait savoir en japonais. Et puis, une petite expérience. On vous propose une petite expérience que j'ai faite ce matin. Donc, c'est quand même assez drôle, cette guerre qui oppose les deux géants d'Internet, Google et Facebook. Cette guerre est loin d'être finie. Ils n'en sont pas à un coup bas près. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre sur le service de traduction de Google. Donc, inscrivez-vous dans votre adresse, là, translate.google.ca ou .com, peu importe. Une fois sur la page, vous devez sélectionner anglais dans la langue source, parce qu'on sait, c'est un service de traduction. Donc, dans la petite case langue source, on met ça à anglais et on tape « I hate you ». Bien sûr, en traduction, je te hais. Dans la zone à texte, à traduire, eh bien, on tape, bien sûr, « japonais », OK. Le petit icône, on veut traduire l'anglais en japonais. Et on fait « traduisez », on clique sur la traduction. Et puis, c'est à ce moment qu'apparaît le mot « Facebook » au milieu des caractères nippons. Donc, les deux mastodontes d'Internet se livrent une guerre continuelle pour être le leader incontesté sur le web, en n'hésitant pas à marcher sur les plates-bandes de l'autre. Ainsi, Facebook va lancer sa propre adresse de messagerie pour concurrencer Gmail, alors que Google a son propre réseau social avec Google Buzz, qui ne fait pas de buzz du tout et qui ne marche pas du tout. Mais bon, pour ce qui est de l'adresse Facebook, moi, ça m'intéresse pas vraiment d'avoir une adresse Facebook. On en a déjà beaucoup trop. Et puis déjà, Google a toutes nos informations. On le donnera pas en plus à Mark Zuckerberg, s'il vous plaît. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. OK, bien, parlons politique. Voici François Landry et Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Gangster. Royal. Gangster. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour François Landry. Bonjour François Olivier. Ça va bien? Oui, très bien toi. Oui. Bonjour Simon. Bonjour François Landry. On a fait le tour. Bonjour madame. Public en studio qui n'applaudit pas vraiment mais quand même qui est là. Je vais faire comme si c'était elle. Gasse ses mains. Public en délire. François Landry qui nous parle du bilan de Harper aujourd'hui. Oui, bilan de Harper parce que trouvez-vous